Tout de suite, Charline Vananecker, bonsoir. Si tu écoutes, bonsoir. J'annule tout. Oui, alors vous aussi, vous avez tout annulé, donc Dominique. Eh ben, qu'est-ce qui va être prévu? Je ne sais plus. vous vous rappelez jamais, je suis inquiète pour votre santé. Hein, oui, quand même. Bah, vous faites bien, je suis en train de me mourir. Allez, à demain Dominique, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut Charline. Les sujets là. Hein. L'affaire des SK. Oh non, c'est grave. Mais c'est dans l'actu, hein. Il faut le traiter. Moi, j'ai déjà travaillé le sujet. Ouais, justement, c'est pas toi qui va élever le débat. Oh, détrompe-toi, Alex. Il a un avis presque philosophique sur les partis. Je veux pas le savoir. Et sinon, il y a les élections dans le Doubs. Ah, c'est bien ça. Mais c'est pas glamour. Ça manque de sexy, quoi. Ah, parce que vous trouvez que les pépés du Carlton, c'est glamour et sexy. Oui. Je pense que l'auditeur de France Inter aussi. Mais oui, derrière l'intello cultivé qui écoute Inter, il y a un épouvantail libidineux qui se. Ça va pas. Traite pas de ce sujet, c'est tout. Oh, je peux mon reportage alors. Reportage, alors là c'est différent. Génial. Je vais tout axer sur le proxénétisme. Mais c'est mon sujet. Je vais téléphoner à différentes personnes qui se connaissent. Excellent, Guillaume. Il va appeler des escort girls. Bah ouais, obligé pour avoir les infos. Il va parler avec des pénipotéticiens. Ça, il va aller appeler des putes quoi. Oh, ça va, excusez-moi, mais il y en a marre de tourner autour du pot avec ce sujet. Bon, allez, je vais sur internet chercher des numéros de téléphone. Attends, je connais des sites. Alex, toi tu restes ici. On doit choisir les sujets, après tu iras aider Guillaume. Ok, très bien. Sujet 1, le Doubs. Sujet 2, l'équipe de hand du Qatar. Sujet 3, le guide Michelin. Oui. Je peux l'aider, Guillaume? Oui, vas-y, c'est ça. Eh, dis donc, t'étais moins excité par le procès Bettencourt, il me semble. Oh, Liliane Jeune, j'aurais pas dit non, hein. Guillaume, attends! Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui éparpille l'information façon puzzle. Et voici les trois infos qu'on va disperser jusqu'à 18h. Aujourd'hui, le centre de la France, son nombril, c'est la 4e circonscription du Doubs. Le FN et le PS s'affrontent au second tour. Le candidat UMP est dans les choux, Sarkozy est furieux contre son candidat. Crétin ! Triplant douille ! Les handballeurs français ont décroché leur 5e étoile face à l'équipe du Qatar, un pays connu pour sa passion du handball. Hein. Les supporters du Qatar se sont donc précipités pour soutenir leur équipe, spontanément bien sûr. J'ai touché $800 pour un mois. Vous êtes cher. Ouais, vous avez raison, je suis très cher. Au ministère des Affaires étrangères, on gère aussi le tourisme et donc la gastronomie. Laurent Fabius a pris le sujet à bras-le-corps. Il développe la gastrodiplomatie, une forme de raffinement français. Où sont les poulards? J'ai faim! Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Et pour s'emparer de ces infos et en faire n'importe quoi comme tous les jours, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, je suis ravie de faire avancer le monde avec vous tous les jours à 17h. Et autour de cette table, une grosse équipe, les experts. Les experts à 17h20, l'alchimiste de cette émission, celui qui mélange la musique et les actualités, telles des épices rares, en ressort de l'actualisique. Attention, n'essayez pas de faire pareil chez vous, c'est très dangereux, lui il est tombé dedans quand il était petit. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Eh bien une chronique spéciale découverte aujourd'hui avec un groupe qui je pense va cartonner dans les années à venir qui s'appelle les Beatles. Les Beatles. C'est toujours bien de lancer les petits jeunes. À 17h30, le couteau suisse de cette émission, tantôt fine lame du journalisme, tantôt tournevis de la blague et tantôt tire-bouchon, mais c'est après l'émission. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. De quoi on parlera, mais je le sais. Bah oui, on en a parlé dans la conférence de rédac. Je me suis intéressé au procès de DSK qui s'ouvre aujourd'hui. J'ai joint notamment une sexologue. Ton équipement ne doit pas fonctionner tout à fait correctement. Voilà, on va parler de l'équipement de DSK. Des infos de première main. Et à 17h40, l'antithèse de cette émission, car elle est raffinée, pertinente et elle tire le débat vers le haut. Sa présence ici est aussi improbable que celle de Michael Vendetta sur le plateau d'Apostrophe. L'unique Clara Dupont-Monod, bonjour. Bonjour Alex, ça ressemble à un préavis de licenciement. Mais... Eh bien écoutez, il y a eu un grand et bel élan collectif ce week-end à Madrid, ce qui était bien, mais un livre rend hommage à ceux qui n'y étaient pas et qui ne croient plus en l'amélioration du monde. C'est donc un éloge des pessimistes. À tout à l'heure. Allez, nous sommes sur Twitter, hashtag annule tout, et tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne ce soir, eh bien dites-le chez nous au téléphone des connes, 01 56 40 69 51. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Ça c'est pour mettre la pression sur l'invité, toujours. Un référent de la République, oui monsieur. Vous êtes né sous Pompidou. Vous tournez votre premier téléfilm à 15 ans, en 88, quand Le Grand Bleu sort en salle. Vous jouez dans Les Petits Mouchoirs en 2010, quand Mediapart dévoile l'affaire Bettencourt. Vous devenez pensionnaire à la Comédie Française en 2012, quand s'éteint le Minitel. Et vous êtes donc, vous êtes... Je suis Florent Baffitte. C'est presque. Ou presque alors, ça, ou j'étais alors, pas loin. Ou alors Philippe de Beaulieu, je ne sais plus. Je sais plus. Écoutez, on va découvrir qui c'est tout de suite. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Nous sommes avec Laurent Lafitte. Voilà, c'est ça, Laurent Lafitte. Ah, voilà. J'étais pas loin, j'étais presque. Et qu'est-ce qui nous je prouve Je me disais, d'abord il ressemble vachement quand attendez, même. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes Laurent Lafitte? Absolument rien. Ah bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais je ne sais pas, partons du principe que c'est vrai. D'accord. Oui, c'est un petit peu comme Philippe de Beaulieu. Donc, hein, à votre écoute, coûte que coûte, on vous connaît pour ça aussi sur les antennes d'Inter. Et sort mercredi, Papa ou Maman, un film de Martin Bourboulon, où vous jouez avec Marina Foïs. Oui. Alors, on vous voit partout. Hein. Vous êtes ça à plein je temps. Je sors là. Un film. Mais oui, donc évidemment. C'est, mais c'est un travail à plein temps après le plein SAV, temps. Évidemment. Ça veut dire qu'elle en a marre de vous voir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on en voit trop. Non, on va vous entendre différemment aujourd'hui. Et alors, souvent, on vous fait la remarque que ce film est subversif, on peut oui. dire. Hein. Oui, bah c'est oui, vrai, c'est vrai que le point de départ d'un couple qui divorce et qui va tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants, voilà, c'est un petit peu... oui, c'est ça, c'est subversif. On prend les choses à l'envers, oui. de l'habitude ou de la normalité. Oui. Alors, vu l'image de la famille en France ces derniers mois, et l'image qu'on en a eue parfois, est-ce que, finalement, le contraste n'est pas encore plus fort et c'est pas... finalement plus facile et plus contrasté d'avoir quelque chose de subversif. Oui, sûrement, c'est une manière de mettre en négatif des choses plus importantes. Par exemple, les gens qui se battent en divorçant pour avoir la garde font plus de mal que ce qu'on fait nous à nos enfants dans le film pour ne pas l'avoir. Mais bon, enfin, en même temps, je comprends pas. On n'a pas arrêté d'annoncer la mort de la famille, la mise en danger de la famille, mais je comprends pas trop pourquoi. Il faut manifester contre le divorce à ce moment-là. Mais oui, oui. Plutôt que manifester contre le mariage. Surtout qu'il y a des études qui prouvent que les enfants de divorcés, en général, sont plus malins que les enfants dont les parents sont restés ensemble parce qu'ils sont obligés d'être débrouillards. Donc dans votre cas, c'est deux fois pire parce qu'ici, ils sont obligés d'être débrouillards et en plus d'exister chez des parents qui n'en veulent pas. Oui, enfin, on n'en veut pas. C'est pas qu'on veut pas de nos enfants, c'est qu'en fait, sinon, ce serait juste des salopards et je pense que le film ne serait plus très drôle. En fait, sont deux personnes, il y a encore des résidus d'amour. Et en fait, c'est plus pour empêcher l'autre d'aller là où il veut, parce qu'il y a une histoire de promotion professionnelle aussi, tout ça. Bon, tout le pitch est mis en place quand même de manière assez... Alors, elle est ingénieure et lui est médecin. Et donc, il y a une mobilité possible très, très, très loin. Oui, moi dans l'humanitaire et elle sur un chantier... D'éolienne. Voilà, d'éolienne, oui. Alors, évidemment, c'est une comédie. Mais alors, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur aussi. C'est un peu tragicomique quand même, parce qu'il y a des passages... Mais oui, mais... On peut rentrer en empathie avec Marina Foy, c'est être triste. Oui. C'est vrai, mais tout à fait. Mais vous savez, tragicomique, c'est notre lot à tous, ma chère madame, ma petite dame. Alors, on annonce le film, donc Papa ou Maman, on l'annonce déjà comme un carton partout dans la presse. Ça, je vous le souhaite, on va évidemment. Se détendre. Oui, ben, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que vous dites aussi, par exemple, dans le JDD cette semaine, vous rappelez un principe très simple et très vrai, c'est que dans la comédie, évidemment, le rire, c'est quelque chose de tellement subjectif. Donc, comment est-ce que ces derniers temps, la presse ose dire, oh, ça va être un carton, ça va être un carton, et on ne sait pas comment ça va être reçu parce que c'est subjectif. Et comme le thème est un peu subversif. Oui, non, c'est pas gagné, c'est jamais gagné quand on sort un film. Là, on a été rassuré, c'est que justement, on pensait avoir un point de départ, un pitch qui était un petit peu clivant, et en fait, on a eu le prix du public à l'Alpe d'Huez. Donc là, on s'est dit, peut-être que tout le monde a aussi mauvais esprit que nous. Ah oui, c'est un bon indice. Il y a moins d'oxygène. Là, c'est vrai, peut-être que ça va. Les gens riaient un peu décalés, d'ailleurs, avec quelques secondes, ils riaient un peu après les Papa gags. Papa ou Maman, Laurent Lafitte, Marina Foïs, un joli couple dans un film de Martin Bourboulon qui sort mercredi en salle, qui est très réussi et qui est donc tragicomique. Et le contraste entre les deux, évidemment, ça fait que... Bah oui, évidemment. C'est-à-dire qu'un cancer de la gorge, c'est plus drôle qu'une angine. Restez avec nous. Les The Beatles. Get back to where you once belonged. gets it while she can. Get Back, et vous allez nous en parler tout à l'heure, Thomas VDB. Bah oui, moi j'avais l'intention de faire découvrir des trucs et je vois que vous me coupez l'herbe sous le pied, bah mais oui. Bon, on va en parler tout à l'heure. On l'a découvert avant vous, bravo. Sur France Inter. Elle a du nez, Charline. Alex Vizorek, qui est autour de la table? Nous avons la chance d'avoir Clara Dupont-Moneau et Guillaume Meurice qui a passé des coups de fil à des escort girls parisiennes et je lui en veux déjà. Et ça, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et nous avons notre invité, Laurent Lafitte, une grande voix de France Inter aussi. Eh oui, grande voix. Vous avez fait de la radio peu, mais fort. Oui, mais c'est culte. Ah c'est oui, culte. C'est votre écoute coûte que coûte, quand même. C'est, vous êtes là en vrai, c'est l'émotion. Allez, en attendant, Alex, alors, on fait des blagues aussi, comme tu dis, on essaye. C'est le moment d'informer les gens à travers une revue de presse. Allez, c'est parti. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Manuel Valls est de retour d'un voyage en Chine où il a tenté de séduire les investisseurs. Oui, et le Made in France a le vent en poupe. Valls a donc profité pour vendre des valeurs sûres en Chine. Mireille Mathieu et Michel Drucker. Ah, ça a marché? Bah, les Chinois ont dit oui pour celles qui portent un bol de nouilles sur la tête, mais pour Drucker, ils ont dit essayez plutôt de les vendre aux Japonais. C'est pas gentil ce que vous faites, parce qu'il faut le dire, Michel Drucker, ce week-end, il a fait le record d'audience avec Vivement Dimanche. Oh, après, c'était qui l'invité? C'était Michel Simès, un médecin pour le public de Drucker, c'est rassurant. Pour lui-même aussi, je pense. C'est vrai. Sans transition, Christine Boutin nous a fait une nouvelle boulette de Christine Boutin. Mais exactement, sur Twitter, elle a dénoncé furieuse l'arrivée d'Augustin Legrand des Don Quichotte au Front National. Mais non, pas Augustin Legrand. Bah oui, mais c'est ça, non, pas du tout. C'est Aurélien Legrand, qui était déjà membre du Front National, donc elle était choquée pour rien. Mais je rappelle que Christine avait déjà retweeté une info du Gorafi, pensant que c'était vrai. Et avait aussi dénoncé l'horrible relation entre Nicolas Bedos et Valérie Trierweiler, qui était un canular. Ah ouais, quand même, c'est le Gorafi, elle toute seule. Ben oui, mais de là à penser que c'est elle qui a conseillé à Francis Huster de publier les photos de sa relation. Voilà, on est à rien. Alors, on termine par un fait divers. Oui, Charline, vous le savez, quand un fait divers de pointe nous interpelle et que nous sentons trop petits pour le traiter, nous demandons à Fabrice Drouel d'en faire une affaire sensible. Et aujourd'hui, c'est un vrai article d'aujourd'hui en France, direction le Nord, où sévit le gang des shampoings. Aujourd'hui, dans Affaire sensible, une affaire très sensible. Une affaire que les policiers auront mis des semaines à élucider, l'affaire du gang des shampoings. Voilà des semaines que les salons de coiffure de Lille et Tourcoing sont visités la nuit. Des suspects sont suspectés, oui, et ces suspects sont suspectés de s'intéresser systématiquement à un même produit, du shampoing. Pourquoi ne volent-ils pas la caisse? Les enquêteurs se coupent les cheveux en quatre pour le savoir. Mais un indice va les mettre sur la piste. Ces individus avaient un goût prononcé pour les produits de la marque Kérastase, ce shampoing pour cheveux secs ou abîmés, enrichi en vitamine B3. Aujourd'hui, le gros du gang des shampoings est en détention provisoire. La police, elle, est à un cheveu de clore l'enquête et sera alors à même de découvrir qui était de mèche. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Je vois dans votre oreille que la voix de Fabrice Drouel ne vous a pas laissé insensible. Et c'est tous les jours à 15h sur France Inter pour les affaires sensibles. C'est vrai. Mais oui, Fabrice Drouel qui parle de shampoing, ça donne une autre dimension. C'est un vrai fait divers. En revanche, c'est un vrai oui, fait divers. Oui, c'est un vrai fait divers. C'est-à-dire que vraiment, il préférait les shampoings Kérastase quand il braquait les salons. Oui, non, il faut le dire. Un fait divers publié dans Le Parisien aujourd'hui en France, vendredi. Voilà. Si vous voulez intitulé dessus. Le gang des shampoings. C'était, c'était en dessous de l'article Il y a huîtres et huîtres, pour dire qu'il y avait différentes sortes d'huîtres. C'est compliqué pour vous avec votre accent. C'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, j'essaie de dépasser cette barrière. Il y a huîtres et huîtres. Et huîtres aussi. Nous sommes avec Laurent Lafitte qui vient nous voir pour Papa ou Maman de Martin Bourboulon en salle mercredi. Et là, il est question de gens qui ne vont pas choisir Papa ou Maman, mais le FN ou le PS. Ah. Vous avez vu la transition. Prenez des notes sur les transitions. Ouais, ouais, ouais. Prenez là, des notes parce que la semaine où je serai en vacances, là, il va falloir. Premier sujet, l'événement politique du jour. C'est une législative partielle dans la 4e circonscription du Doubs. Ça, je savais où était le Doubs, comme ça, c'est bien. Voter local, pensée globale. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui si nombreux. Votez pour moi. Mon programme, vous le connaissez déjà. Premièrement, création d'une autoroute Brizouille-Paris directe. Deuxièmement, ouverture d'un guichet de PMU. Francis Blanche, La Grande Java, le premier film des Charlots. Alors, donc, le FN est arrivé en tête au premier tour. Attends, je rappelle, hein, législatif partiel, 4e circonscription du Doubs. Parce que... Donc on va se calmer quand même. Hein c'est ça. C'est pas chaud. En fait, Laurent, vous venez de répondre à la première question ou de l'anticiper. Vous avez... Non, mais vous avez très bien fait. On va se calmer, c'est ça. Alors, non seulement l'UMP s'est gaufré, mais en plus, il va devoir choisir entre le PS et le FN pour reporter ses voix au second tour. C'est terrible. C'est un drame qui se noue dans la 4e du Doubs. Alors déjà, je me demandais quand il y a un film qui sort mercredi, comme le vôtre, est-ce qu'on reste un petit peu connecté quand même à l'actualité ou vous profitez des plateaux de radio, de télévision pour vous imprégner un petit peu de cette actualité quand même brûlante. Bah là, je suis moins au fait de ce qui se passe parce que la promotion, ça prend beaucoup de temps. Mais quand même, non, je lis les journaux et je regarde ces délicieuses chaînes info, surtout le soir, la nuit. Ce qui se passe dans le Doubs, c'est juste ce qui vous passionne. Le Doubs, moi, j'ai toujours été très sur le Doubs. Non, ce que j'ai beaucoup aimé sur BFM, c'était premières élections post-attentat. Il fallait à tout prix dramatiser l'événement. C'est bien pensé, vous n'y avez pas pensé. Attendez, je vais le refaire. Il est 17h25 sur France Inter et nous allons parler de la 4e dans le Doubs. Première élection post-attentat. Laurent Lafitte, quel est votre avis d'expert sur la question? Écoutez, ça en le tant qu'expert du post-attentat. Ça marche mieux. Alors, j'aimerais que vous dites, calmez-vous, vous avez raison, parce que, par exemple, le début de l'article du Parisien aujourd'hui en France explique, c'est les premières lignes, hein, et la cuisine de Roland Boileau se retrouva sous le feu des projecteurs. Roland Boileau habite à Langeois, c'est près de Besançon. Il est conseiller régional FN et tout s'est passé avec la ITL, BFM, tout le monde dans sa cuisine, village de 800 habitants. Mais, oui. Mais ça, c'est le fait politique du jour parce que l'FN est passé au premier tour, le PS, ils vont s'affronter au second tour et l'UMP doit choisir. Que va faire Nicolas Sarkozy? C'est pas anecdotique. C'est ça qui est important. Ils ont déjà à peu près tous proposé une solution différente. Ils vont choisir de ne pas choisir. Justement. Il y en a qui ont dit qu'ils allaient choisir, d'autres qui ont dit qu'ils allaient choisir l'autre. Voilà. Donc il va consulter le bureau politique de toute façon avant de prendre une décision. Il ne va pas être tout seul, mais il va falloir trancher. Bon, alors c'est considéré comme test national, mais rappelons, calmons-nous, que ça se passe dans le Doubs. On va recevoir du courrier du Doubs. Et 60% d'abstention donc, oui. En plus. Donc j'espère. Ça, par contre, c'est très énervant. Mm-hmm. Non, il faut aller voter, ça suffit maintenant. Oui, alors justement, il y a 60% d'abstention. Les médias s'excitent, on peut dire s'excitent oui. Pour une législative, vous savez, le FN a percé, etc. Mais dans ce pays, finalement, les gens vont pas beaucoup voter, mais dès qu'il y a une élection, on s'emballe tout de même, non? Oui, surtout au second tour. Je pense qu'au second tour, les gens vont être un peu plus mobilisés, surtout pour ceux qui sont un peu surpris de voir le FN en première position. Mmh. Et donc là, vraiment, on observera de façon un petit peu plus sérieuse. Non, mais il y a la portée symbolique aussi, parce que c'était Moscovici avant. Oui. Et oui. Et du coup, il y a vraiment le côté taclage de résultats. Il y a un côté, forcément. Sanction. Et pourtant, le FN est quand même au deuxième tour. Hein. C'est l'UMP qui s'est gaufré, on le rappelle. Cela dit, juste préciser que c'était une terre qui était historiquement ancrée à gauche et que l'UMP a fait plus, là, son score est plus élevé que celui qu'il avait fait en 2012. Hein. Voilà. Comme quoi, les électeurs FN les électeurs FN sont très mobilisés quand il s'agit de voter. Il y a beaucoup de déçus du PS, c'est ça que ça veut dire aussi. Et puis effectivement, le taux d'abstention qui est record. Donc tout ça n'aide pas l'UMP pour percer un minimum. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et plus on dit qu'on s'en fout et plus on dit que c'est pas important, et moins les gens vont aller voter. Donc, faut dire l'inverse. Mais pour eux, c'est important. Au niveau local, c'est important. Il faut aller voter au second tour, évidemment. Même si vous n'êtes pas du tout, allez voter quand même, c'est pas grave. C'est ça. 17h28, Thomas VDB. Oui. Ah, vous êtes au-dessus de tout ça, vous, Thomas VDB. Oh là là, j'en suis bien loin, puisqu'évidemment, un peu d'actualité, un peu de musique. C'est la page actualisique de Thomas VDB. Alors, bonjour à tous. Bonjour Clara Dupont-Monod des éditions Grasset, bonjour Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek de France Inter et bonjour Laurent Lafitte de la Comédie Française. Alors je dis évidemment, puisqu'évidemment il faut dire de la Comédie Française, parce que quand on travaille à la Comédie Française, on doit le préciser après son nom. J'espère que vous n'êtes pas obligé de le faire à l'oral, parce que dans une soirée, si tout le monde commence à faire la même chose, ça va être un peu pénible. Salut Laurent Lafitte, la Comédie Française. Salut Bernard Giroux de France Télécom. Stéphane Champion de Clermont-Ferrand. Alors moi, vendredi, je regardais la télé et je suis tombé sur une pub pour l'album des Beatles qui s'appelle Abbey Road. Et la pub se terminait comme ça. Les éditions Atlas présentent Abbey Road, le chef d'œuvre des Beatles, et son fascicule, 9,90€, sur notre marchand de journaux. Alors je me mets un petit peu à la place de Paul McCartney qui regarde la télé et qui voit son album mythique bradé 9,90€ entre Question pour un champion et Les chiffres et les lettres. Il doit se poser des questions. Je pense que John Lennon peut-être a fait un roulé-boulé dans sa tombe. Je vais resituer d'abord les éditions Atlas qui ont un panel assez large en matière de collection. Ils peuvent rééditer les plus grands films de Funès ou alors la maquette d'une deux chevaux à reconstituer numéro après numéro. Alors quand t'achètes le numéro 1, tu as une reproduction de pneus de deux chevaux. Ça c'est super. Le problème, c'est que quand tu achètes numéro 1, c'est souvent de plus en plus cher. Ça va retrouver dès la semaine prochaine le numéro 2, le fascicule avec le pot d'échappement, en vente 55€. Merci qui ? Merci les éditions Atlas. Alors d'ailleurs, les éditions Atlas avaient édité une grande reconstitution de la bataille de Waterloo que j'avais commencé à collectionner. Alors m'étant arrêté au numéro 1, j'avais juste un personnage de fantassin. Mais voilà, pour le numéro 2, il fallait envoyer un rib et tout ça, c'est compliqué. Mais l'avantage, c'est que quand j'ai mon petit-neveu à la maison, grâce aux éditions Atlas, je peux lui donner des petits cours d'histoire. Alors je suis obligé de m'adapter un peu, mais c'est intéressant. Tu vois Nicolas, quand l'armée napoléonienne est arrivée sur le front à Waterloo, les fantassins, ils étaient tous là. Hein, comme lui, là, mais beaucoup plus nombreux, tu vois. Et comme en fait, ils avaient crevé, et bien, ils avaient avec eux une roue de deux chevaux et ils étaient Come Together des Beatles. Sachant que tout le reste de l'armée se trouve actuellement chez mon marchand de journaux entre Paris Match et Biba. Alors un peu d'histoire sur les Beatles quand même. Abbey Road, c'est l'avant-dernier album des Beatles. C'est aussi le dernier qui s'enregistrent ensemble. C'est un disque mythique, encore entouré de beaucoup de mystères. C'est la pochette où on voit les quatre Beatles traverser la route et sur laquelle Paul McCartney est pieds nus. Hein, ça on sait, ce qui avait conduit beaucoup à l'époque de sa sortie à croire que Paul McCartney en fait était mort et qu'il avait été remplacé par un sosie. Parce qu'évidemment, dès que quelqu'un se promène pieds nus, hein, on va se dire qu'il n'est pas vraiment lui, ça veut dire qu'il est mort. D'ailleurs, à ce titre, pour terminer, je tiens quand même à rassurer tous les fans de Yannick Noah. Il est bien vivant, il n'y a pas de problème. Par contre, attention, parce que le jour où il aura des chaussures sur la pochette de son disque, ça voudra peut-être dire qu'il est mort. Merci à tous. Merci Thomas VDB. Merci, on est sur France Inter avec Laurent Lafitte. Papa ou maman sort mercredi en salle. On en reparle et on reparle d'actualité. Après un peu de musique, pas contente, c'est Vodou Game et Roger Damaouzan. Voilà, c'est comme je vous le dis, comme ça.

Non, parce que je connais pas, je savais même pas moi que le Qatar avait une équipe, donc j'ai pas trouvé ça. Le handball, vous participez à cet élan pour le handball, les experts qui gagnent tout, et du coup vous intéressez. Je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous un peu. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est que quand la France gagne, ça me fait plaisir. Mais je suis pas un spécialiste. J'étais resté sur l'affaire des paris truqués, des matchs truqués. Ah, oui. Oui, d'un coup, je suis passé de ça à non, finalement, c'est des héros. Bon, d'accord, ok. Donc voilà, donc je m'adapte. Je m'adapte. Et puis vous signalez, Charline, que le Qatar a fait venir des carentiers de supporters, trop, puisque le stade pouvait plus les contenir, et du coup ils ont annulé les billets des supporters dont les équipes avaient été éliminées. Ils ont mis des militaires qataris à la place pour encourager les. Bah écoutez, c'est vive le sport quoi. Oui. Ils créent de l'emploi en même temps. Voilà. Mais c'est de l'emploi. Alors le Qatar rêve d'organiser les Jeux Olympiques, évidemment. Mais oui. C'est magique. Le Qatar va déjà organiser la Coupe du Monde et la question est de se poser, est-ce qu'ils vont faire le coup pareil avec le foot? Ils en avaient parlé il y a quelques années, ça avait été très mal vu par la FIFA parce qu'ils sont beaucoup plus vigilants, je crois, que la Fédération internationale de handball. Donc à suivre. Je ne sais pas, le fait que comme ça on soit derrière une nation, est-ce que c'est encore une valeur après ce genre de choses-là ou est-ce que ça va dévaloriser tout le reste? Oh bah là, ce n'est pas être derrière une nation, non? C'est-à-dire que si le Qatar pipe le jeu en faisant ça, est-ce que ce n'est pas ouvrir la porte à ce que tout le monde fasse comme ça? Ah si, mais moi je trouve ça absurde. Ouais. Bah oui, c'est ridicule. Mm-hmm. Enfin. Est-ce que vous êtes attaché à la notion de nationalité, Laurent Lafitte? Oh là là! Attendez. Parce que là, je vois le débat. Là, je vois le piège. Hein. Ouais. Je suis venu parler d'une comédie familiale. Alors, certes audacieuse, mais consensuelle. Je ne me permettrai pas de parler de nationalité française. Oui, c'est vrai, c'est embêtant. J'ai lu que vous aviez dit que vous étiez fiscalement de droite et socialement de gauche. Je ne voulais pas qu'on vous identifie. C'est un peu de la provoque, ça. Parce que c'est délicat, quand on parle d'une comédie familiale. Non, mais c'est pas quand on parle d'une comédie familiale. Moi, je trouve. Enfin, ou même après... de film, on n'a pas envie d'être catalogué. J'imagine que c'est pas évident d'avoir. C'est pas envie d'être catalogué. Moi, je. Vous êtes de droite. J'ai plutôt. j'ai une veste en tweed. Déjà, c'est un indice. Morand Denis vient de tweeter le retournement de veste de Laurent Lafitte. Il vote Front National. Allez-y, Laurent. Non, mais disons que. Parce que ma fonction, je suis comédien, donc ma fonction, c'est de faire croire à des personnages. Donc, plus je vais parler de moi, plus je vais mettre des éléments qui vont interférer dans ce travail-là. Et en même temps, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien débattre et j'ai un avis sur pas mal de choses, m'intéresse à plein de choses. Donc c'est difficile pour moi, mais j'évite de prononcer vraiment sur les choses parce que après tout ça, on s'en fout, ça regarde c'est pas intéressant par rapport à ma fonction d'acteur. Ne vous inquiétez pas, on ne verra pas le supporter de l'équipe de Qatar de handball derrière votre personnage. On ne révélera pas votre groupe sanguin. Ça ne parasitera pas le film. Vous restez, on ne sait pas où vous cataloguez, donc c'est bien, mieux. C'est bien, ça marche. Voilà. 17h45 sur Comme Inter. Ramayad. Oui. Ça y est, il ne fallait pas dire ça. Ah là, si vous allez voir Papa ou Maman mercredi, vous allez voir cette réflexion. Ça va tout mettre par terre, Laurent Lafitte, vous êtes fou. Clara Dupont-Monod. Charline Vanhoenacker. Humons les livres. Hein, oui, flairons-les, à défaut de les lire. Mais oui. L'actualité, Charline, c'est aussi le mouvement Podemos qui a envahi les rues de Madrid ce week-end. Il y avait un mot d'ordre, c'était non à l'austérité. Et il y avait une promesse d'avenir faite par Pablo Iglesias, le leader de Podemos. Et voici cette promesse. Nous allons démontrer que tous ensemble, nous allons changer l'histoire de notre pays. Non, ça c'est interdit. Ah, ça gâche tout, c'est dommage. Carte jaune là. Voilà, le chemin. Alors, certains esprits sont moins enthousiastes que celui de Guillaume Meurice, par visionnaire, exemple. Hein. Certains esprits, et c'est ici qu'on peut leur faire une place dans cette émission, certains esprits sont un peu trop misanthropes pour adhérer à un grand espoir collectif. Alors, la littérature, elle est peuplée de ces esprits rétifs à la liesse. Et justement, en voici un exemple savoureux. Un livre qui s'appelle, regardez le titre comme il est beau, « Merci aux ambitieux de s'occuper du monde à ma place », merveilleux titre, qui sortira le 5 février, on le croirait presque écrit à l'intention de tous les manifestants de Madrid. Et il est signé Georges Picard, qui est un philosophe à la fois désespéré et très facétieux. Il se présente ce texte sous forme de lettre, c'est-à-dire que le narrateur écrit à un ami qu'il n'a pas vu depuis 15 ans. Alors évidemment, ils habitent à 60 km l'un de l'autre, mais plutôt que de se voir, il préfère lui écrire. Et après tout, c'est tant mieux parce que ça nous donne un livre, et donc un excellent livre. Alors ce narrateur, il a renoncé à la compagnie des hommes. Il est loin de tout. Il s'est mis à la campagne et il observe les sursauts du monde avec une distance apparences d'ermite mêlées de désillusion. Et il écrit « Les optimistes sont assommants. Je n'ai jamais supporté mon propre optimisme, encore moins celui des autres. » Donc vous voyez, aucune chance de voir Georges Picard à Madrid. Lui, c'est pas Podemos, c'est No Puedo, quoi. C'est vraiment... Et en même temps, cette frilosité assumée qui est l'autre nom du pessimisme. Picard est frileux, donc vous... Pardon ? Picard est frileux. Picard est frileux. Vous me demandez lequel des deux allait la faire, ou des trois. Bravo. C'est pas mal. Cette frilosité... Voilà. Non, mais vous riez, ne l'encouragez pas, Claire Dupont-Moineau, s'il vous plaît. Oui. Cette frilosité assumée, alors qui est quand même une forme de pessimisme, mais qu'on a tous un peu au fond de soi, quand même. Laurent Lafitte aussi, j'en suis sûre. S'explique. Je ne vous permets pas. Par la peur. Vous allez le cataloguer. Arrêtez. Après, on croira plus en mes personnages. Par la peur d'être déçu. Bah, si, ça, on l'a tous. Alors, pour les misanthropes, en fait, surtout le grand ennemi, c'est le décalage entre l'idéal et entre le réel. Évidemment, le premier ayant fortement tendance à se fracasser contre le second. Donc, en fait, autant ne rien attendre. Et puis, comme ça, au moins, on est tranquille. Et dans son livre Le crépuscule des idoles, le grand philosophe Nietzsche l'exprime comme ça. Il écrit : Comment tu cherches ? Tu voudrais te décupler ? Te centupler ? Tu cherches des adhérents ? Cherche des zéros. Fin de citation. Nietzsche, quand il voulait, était énervé. Vous avez fait une mauvaise liaison ? C'est cherche des héros ou c'est vraiment des zéros ? Non, c'est zéro, des zéros. Zéro, avec un Z. Cherche des zéros. Voilà. Alors vous noterez tentative que... d'humour. Mais vous êtes loin de Alex Vizorek. Picard frileux, oui. c'est le maximum. Hein, c'est sûr. Alors, en tout cas, on se dit, c'est pas avec cette mentalité qu'on va, améliorer le monde. On en est quand même loin. Cela dit, c'est oublier que le pessimiste ou le misanthrope, en tout cas, il a au moins deux choses avec lui. D'abord, il n'est pas en colère. Et... Georges Picard écrit « Je suis curieux des choses qui m'irritent ». Donc c'est assez noble quand même. Mmh. Donc il explique qu'il peut regarder un débat télévisé sur iTélé sans fulminer, mais en s'étonnant sincèrement, je cite, de la pauvreté intellectuelle des arguments. Et il se demande, ces gens-là sont-ils sincères ou simplement cyniques ? C'est pour ça que c'est très difficile de s'engueuler avec un pessimiste ou avec un misanthrope, parce qu'il n'est pas dans la colère. Et Georges Picard le dit lui-même, il dit « J'ai fini par penser qu'on ne peut pas se désolidariser totalement des salauds et des imbéciles. Le mensonge, c'est de penser que nos ennemis ne sont pas pétris de la même manière que nous, qu'ils sont d'une nature différente. » Voilà, à méditer. Et puis, deuxième trait de caractère du misanthrope, c'est que souvent, c'est un sceptique. Il se nourrit du doute beaucoup plus que de la certitude. Alors, c'est la grande tradition des sceptiques, de Descartes à Montaigne. Montaigne, il appelait le doute, il appelait ça un molle oreiller, ce que je trouve très beau. Et Georges Picard écrit, pareil, « La société ne pardonne pas les tergiversations. Elle exige de savoir où tu te situes, d'où tu parles, et met assez haut ce qu'elle nomme suavement les hommes ou les femmes de conviction. » Donc vous voyez, ce livre, c'est un plaidoyer pour la lassitude. Certains l'appelleront lâcheté, d'autres vont l'appeler lucidité. En tout cas, c'est une mise à l'écart volontaire. C'est pas un hasard d'ailleurs si Georges Picard se réfugie à la campagne, refuge consolant. Et il dit, et je trouve ça magnifique, « Le vent et la pluie ne sont les voix de personne. Pourtant, nous les reconnaissons à chaque fois comme des voix intimes. » C'est très joli. Mmh. Je vous donne les références. Merci aux ambitieux de s'occuper du monde à ma place. Signé Georges Picard aux excellentes éditions Corti. Laurent Lafitte, vous êtes prêt à jouer Alceste là maintenant ? J'aimerais bien, mais c'est vrai que quand on lit la scène entre Alceste et Philinte au début du Misanthrope, c'est l'opposition entre Philinte et le Misanthrope, la philanthrope et le Misanthrope. Et c'est la même personne qui parle, c'est Molière. Donc en lui, il y a cette contradiction-là. Voilà. Oh là, on a beaucoup trop élevé le niveau là. Non, une blague d'Alex Vizorek. En nous tous, on a cette contradiction. Mais bien sûr. On est un peu des deux. Quoi. Bien sûr. Laurent Lafitte qui apporte une magnifique conclusion à la chronique de Clara Dupont-Moneau. Toutes les références à retrouver sur franceinter.fr quand le site fonctionne. Il est 17h51. C'est pour vous, Clara, la femme chocolat. Olivia Ruiz, vous restez avec nous jusqu'à 18h si tu écoutes J'annule tout. Et Laurent Lafitte, lui, il a tout annulé pour nous. C'est vrai. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, sein, du deux noisettes craques, tu les manges. manger de chocolat. Olivia Ruiz, la femme chocolat, alors que nous sommes en compagnie de Clara Dupont-Mono, qui est la femme caramel mou. Et... c'est sympa. La femme Saint-Doux. Et tout de suite... Alors, non, non. Caramel mou, parce que Clara Dupont-Mono, vous carburez. Ah, elle carbure. D'accord. C'est là le secret de Clara Dupont-Mono. D'ailleurs, elle cherche un sponsor, hein, caramel mou, si... Nous sommes en compagnie de Laurent Lafitte, Papa ou Maman. C'est une comédie de Martin Bourboulon qui sort mercredi en salle. Et je rappelle que À votre écoute, coûte que coûte, est toujours disponible au Cherche Midi, coédition France Inter. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Et, oui. Et nous sommes avec Philippe de Beaulieu. Ah bon ? Et on va, ben oui, c'est bien vous, non ? Enfin, qu'est-ce qui nous le prouve aussi ? C'est vrai ? Qu'est-ce qui vous le prouve ? Je vous interdis de dire ça. Oh là là. Vous êtes à la bonne adresse. France Inter. Allez, on va aborder le troisième sujet. Le Quai d'Orsay prend la gastronomie en main. Elle contribue au rayonnement de la France. Ça s'appelle la gastrodiplomatie. Et ça permet au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, de se pencher un jour sur la Syrie, un autre jour sur la blanquette de veau. Aujourd'hui, je vous propose une mousse de courge butternut au domino en gelée de châtaigne avec des petites ravioles de tomates posées sur une feuille de chêne. C'est servi avec des frites ou... Non, non, c'est accompagné de betteraves rouges au paprika dans une soupe de mâche parfumée à l'écume de carottes avec un trait de vinaigre de cidre d'Azincourt. C'est qui ce pédé ? Surtout à quoi ça sert s'il n'y a pas les frites. Extrait de Comme un chef. Alors c'est ça la diplomatie selon Fabius, la diplomatie aussi à travers l'assiette. Donc c'est pas une blague, un jour c'est la Syrie, une fois c'est la recette de la blanquette de veau, parce que là il y a un enjeu diplomatique, c'est qu'il faut harmoniser la recette de la blanquette, que voulez-vous, c'est comme ça, depuis que le tourisme est chapeauté par le Quai d'Orsay. Alors est-ce que ça vous semble plutôt poussiéreux comme diplomatie, ou vous trouvez ça chouette et moderne de passer par cette espèce de soft power? C'est une vraie question que vous m'adresser. Oui, vous êtes pas obligé d'avoir une réponse. Hein, On n'a pas le droit de trouver ça complètement con, sinon... Si, c'est une question ouverte. Bien sûr, on peut trouver ça très con. Non, mais en même temps, c'est important, non ? Je sais pas. C'est ça, faut officialiser une recette de blanquette. C'est non, ça c'est pas ça. Notamment, ça fait partie des prérogatives, oui, de protéger la recette de la blanquette. Ah bon, c'est très con, parce que justement, des gens ne pourront, les restaurants pourront pas dire c'est une blanquette s'ils n'ont pas suivi. On peut pas tout mettre dedans, quoi. Il faut quand même protéger. Ce qui est important, patrimoine. C'est le fait maison. Par contre, là, il y a un nouveau label fait maison. Ça, c'est important, parce qu'on nous prend pour des abrutis depuis un petit moment. Mais en fait, c'est parti de d'une offensive américaine, parce que c'est le New York Times qui avait fait un article titré Y a-t-il quelqu'un pour sauver la gastronomie française. Et ensuite, le magazine Newsweek a titré « Le problème avec les restaurants français », où il démontrait que la plupart des plats étaient en fait pré-cuisinés. Sous vide, et que le restaurant ne faisait que le réchauffer. C'est vrai que c'est un patrimoine national, la gastronomie. Oui. Et aujourd'hui, sur le guide Michelin, et aujourd'hui, on attribue les étoiles depuis le Quai d'Orsay. Donc c'est... Ah oui. Ah ben ça rigole plus, Laurent Lafitte. C'est comme les boulangers. Les boulangers, même quand il y a écrit « artisan boulanger », ça ne veut pas dire que c'est eux qui fabriquent. Ça veut dire que c'est cuit sur place. Mais donc ils peuvent acheter des... on nous ment. Il ne reste plus que les restaurants chinois, en fait, qui font vraiment de la nourriture sur Blas. Sans compter que dans le film, on confond l'huile d'olive avec le produit vaisselle. Et puis c'est un des nœuds du drame, drame de papa ou maman qui sort mercredi. Allez, je rappelle qu'on a un répondeur téléphonique où vous pouvez laisser vos petits traits d'esprit, vos blagounettes au 01 56 40 69 51 sur l'actualité, toujours bien sûr. Et aujourd'hui, à cette heure-ci, une petite revue de presse à deux voix. Alex Vizorek, c'est parti. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets? Again the no. Et tiens, on va reparler un petit peu de sport. Mais oui, nous, on est belges et on est impressionnés par vraiment la qualité des sportifs français. Hier encore, quintuple champion du monde de hand. Et puis hier aussi, il y avait une paire française en finale du double à l'Open d'Australie de tennis. Bon, ils ont perdu, malheureusement. Mais Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ne se sont pas aidés. Alors, je vous fais écouter un son. Attention, ça va très vite. Il faut que vous trouviez ce qui s'est passé. Nicolas Mahut, au service. Oh! Ah bah oui, ça fait très très mal. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, expliquez-moi ce qui s'est passé. Non, je sais pas, il s'est pris la balle où c'est l'arbitre, il faut ou quoi, pas, non. Et non, Nicolas Mahut a tiré sur son collègue à 200 km. Ah ouais, et c'est arrivé entre ses jambes. Mais oui, c'est horrible. Maintenant que vous le savez, écoutez le son, vous allez souffrir un peu avec lui. Le commentateur s'en est parmi non plus. Voilà, une bonne nouvelle alors. Mais oui, du côté de Nabila, On a appris aujourd'hui que Nabila a décroché l'équivalent du brevet des collèges lors de son passage en prison. La starlette aura en effet passé beaucoup de temps dans la bibliothèque de la prison pour étudier et pour présenter un examen. Et bon, voilà, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Ah oui, laquelle C'est qu'elle a été remise en liberté, évidemment, sous contrôle judiciaire. Et donc, sinon, elle aurait eu bac plus 6, mais voilà. Ah oui, c'est dommage. Merci Alex. Merci Laurent Lafitte d'être resté avec nous. C'est fini dans votre... Mais déjà, ah, si ça vous a paru court, c'est bon signe. Oui, on est ravis. Papa ou maman, c'est avec Marina Foïs. C'est un film de Martin Bourboulon. Oui, vous Michel Villermoz, Anne Leny, Judith Elzen, Michael Abitboul, et puis les enfants. Et oui, les enfants qui sont extra. On a envie de les baffer tout de suite, mais... Merci Laurent Lafitte. Allez, on donne le mot de la fin à Thierry Roland. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillé en footballeur.